fait des reportages tout au long de la fin de l'été du soccer à Dolbeau-Missassignée, mais là, finalement, on va faire un peu le bilan de l'année. On va parler avec la présidente Véronique Pilote pour savoir un peu comment qu'elle a trouvé l'année, qu'est-ce qu'il y a à travailler pour la prochaine année. En ligne, Véronique Pilote. Salut, Véronique. Bonjour, Denis. Véronique, première année, comment tu trouvais ça comme président? Ça a quand même bien été. OK. C'est sûr que j'étais quand même stressée de reprendre la barre Ouais, avec l'expérience que Jannick avait. C'est un petit peu stressant, mais je pense que la transition s'est quand même bien passée, OK. là. Est-ce que dans l'ensemble, le conseil d'administration, est-ce qu'on est satisfait? Oui. Je pense qu'on a eu une belle saison, une belle année, OK. et on continue Au comme ça. niveau des performances maintenant, je pense que l'équipe féminine U14 a vraiment dominé. Hein. Ça a vraiment été vous avez eu une belle année de ce côté-là, là. L'équipe masculine. L'équipe masculine, excusez-moi, oui. Oui, l'équipe masculine U14 a vraiment très bien performé. La seule défaite qu'elle a eue, c'était contre une équipe de niveau supérieur OK. d'allemand. Puis encore là, ça n'a pas été une défaite écrasante. Là, on a quand même réussi à lui faire 3 buts. Ouais. Donc, il était assez Mais surpris. je parlais de l'équipe féminine parce que l'équipe féminine aussi avait vraiment le potentiel pour aller loin, là. Oui, elle a terminé seulement à un point là, de se lancer pour les séries, là. Ça a quand même très bien été, là. C'était vraiment un coup de dé. Ça aurait pu aller d'un sens comme de l'autre. OK. Au niveau des inscriptions, j'imagine que ça ressemble pas mal aux autres années, quoi. Est-ce que c'était Oui. positif de ce côté-là? Oui, ça a été positif. On avait pas mal le même nombre d'équipes que les autres années. Puis, OK. au niveau des champions aussi, ça a très bien été. Sens-tu que les équipes s'améliorent? Il me semble que vous performez bien, là. Oui, je pense qu'on a des athlètes dans notre ville qui ont du potentiel, puis c'est en continuant là si on essaie idéalement de garder les mêmes équipes OK. tout au long de l'année, là, tu sais, mettons les U12 essayent de suivre en U14 tout le temps, comme ça donne ça l'aide un peu aussi, parce que les jeunes sont habitués de jouer tout le temps ensemble. Fait que ça nous fait des bonnes OK. équipes. Est-ce que, éventuellement, là, c'est en deuxième division, est-ce qu'éventuellement, on peut penser que Dolbeau-Missassignée pourrait avoir une équipe en première division dans un calibre ou dans l'autre? Oui, ben en fait, tu vois, cette année, le U14 masculin aurait pu être OK. classé dans la division A. OK. On ne l'a pas fait, mais on aurait pu. OK. On aurait été à cette calibre parce que, comme je te dis, il y avait 3 équipes dans cette division-là. OK. Puis dans les 3 équipes, on en a battu 2 quand on a joué contre eux autres. Il y a juste Boréal d'Alma, qu'eux autres sont vraiment supérieurs à tout le monde dans la région. Il était à peu près impossible à battre, mais les autres équipes, on a été capable de les battre. Donc, on aurait été assez de calibre pour aller jouer dans le OK. hall. Est-ce que l'an prochain, c'est quelque. Puis nos seniors Ouais. Est-ce aussi. que l'an prochain, Véronique, est-ce que c'est des choses qui pourraient être faites l'an prochain? J'imagine qu'on vous le demande si vous êtes de calibre. C'est beaucoup plus fun d'évoluer dans le plus gros calibre. Oui, c'est certain. Sauf que cette équipe-là, l'an prochain, la grosse majorité de l'équipe change d'âge. Ils vont monter dans le OK. U16. Fait que là, on peut pas dire s'ils vont être de calibre pour jouer dans le A en U16. OK. Fait que c'est plus difficile à ce OK. moment-là. Parce qu'ils vont être plus jeunes OK. aussi. Au niveau maintenant des terrains, est-ce que les terrains ont été utilisés à bon escient? Est-ce qu'il y a des projets pour avoir plus de terrains encore? Comment ça marche là-dessus? Non, il n'y a pas de projet pour l'instant pour avoir plus de terrain. On a le terrain de l'école Sacré-Cœur qu'on n'a pas utilisé cette année parce qu'il était trop nouveau. On OK. voulait pas le briser en partant. Mais l'année prochaine, on va l'utiliser certainement. On va peut-être donner un petit break au terrain de Mistassini, là, qui est un petit peu en mauvais état. OK. Donc, oui. Mais on va OK. voir. Donc, vous allez travailler au Parc Lyon, suite à Sacré-Cœur et aussi à Jean Dolbeau. OK. Oui, Jean Dolbeau pour les plus grands, parce que Parc Lyon et Sacré-Cœur sont un petit peu trop petits idéalement là, pour les catégories OK. Est-ce supérieures. qu'il y a des choses que vous aimeriez travailler pour l'an prochain? Avoir des nouveautés? Vite comme ça, non. C'est sûr qu'éventuellement, on aimerait ça peut-être être capable de faire un petit festival, ouais. Un petit genre de mini-tournoi. Okay. Ça, c'est quelque chose, ça fait quelques années qu'on en parle, mais que ça aboutit pas encore. Okay. Éventuellement, c'est quelque chose qu'on aimerait, c'est certain. Okay. Véronique, je veux te parler en terminant du soccer intérieur. C'est sûr, on a eu une entrevue avec le président ou le directeur général plutôt de l'ARS qui a mentionné qu'on veut travailler évidemment. Saint-Félicien a une équipe dans le soccer intérieur. C'est quoi là, le problème? Est-ce qu'éventuellement, le Boom Sassini va avoir des équipes dans le soccer intérieur? On espère bien. On a déjà pris une présélection de jeunes qui seraient intéressés. Puis ça s'enligne là, que oui, si on est capable d'avoir les gymnases nécessaires pour le faire, oui, on veut starter ça là, septembre. On est en septembre, mais on veut décoller ça là, très prochainement, justement, pour faire partie de cette ligue-là. Là. À date, là, ça se dessine qu'on aurait peut-être trois équipes. Qui serait dans quelle catégorie? Présentement, on aurait possiblement une équipe dans le coin des U12 masculins, puis on aurait du 15 puis du féminin et masculin. Okay. Parce que là, c'est comme ça que ça se dessine, mais c'est sûr qu'il peut y avoir des changements. Les inscriptions seront peut-être pas pareil que les intentions, mais c'est ça qui se dessine pour l'instant. Parce que dans les années de Yannick, l'ARS exigeait des gymnases conformes. Et à l'époque, il y avait seulement celui de la polyvalente de Normandin qui est conforme. Est-ce que c'est la même chose encore cette année? Non, parce que pas de ce que j'ai compris, là, c'est certain que la réunion avec l'ARS n'est pas faite encore, justement, à ce niveau-là. Mais des informations qu'on a eues avec Jean Dolbeau, Notre-Dame des Anges, puis la polyvalente de Mississini pourraient avoir des terrains qui seraient conformes pour le futsal. OK. Allez, en terminant, je veux te parler je reviens sur l'année estivale. Vous avez eu quand même des belles représentations. Yannick comme entraîneur de l'année et les autres nominés également dans les différents méritages. Est-ce que Dolbeau Mississini a des chances de ramener quelques trophées là-dedans, dans les nominés qui ont eu lieu récemment sur le méritage? Je crois que oui, l'équipe 14 masculine a de très bonnes chances, étant donné que les deux autres équipes qui ont été retenues aussi ont eu de moins bonnes performances. Donc, on espère que ça va être notre équipe qui va le remporter au niveau de l'équipe masculine. Okay. Jannick a été retenue comme entraîneur aussi avec deux autres entraîneurs de Chicoutimi. Signé Jonquière, si je me trompe pas. Donc, on lui souhaite également de remporter les honneurs. Okay. Puis, on est également un de nos arbitres qui a été retenu. Okay. Ben Véronique, félicitations pour ta première année. Je pense que tu as relevé avec brio cette première année. C'était pas facile. Puis, on va se reparler certainement l'an prochain. Voilà la présidente de l'Association de soccer de Dolbeau-Mississini, Véronique Pilote.